السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، le sujet qu'on va traiter c'est un sujet qui a la plus grande importance, et plus particulièrement durant ce mois béni, le mois de Ramadan. Ce sujet c'est le Coran al-Karim. Le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas la parole d'une créature, ce n'est pas la parole d'un ange, mais c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a montré l'immensité de ce livre, la valeur et ses mérites, et aussi ce qu'on a attiré nous, les serviteurs, en prenant notre voix dans le Coran, en lisant le Coran, en méditant le Coran et en mettant en application ce Coran. Ni'amullahi subhanahu wa ta'ala al-ibad kathira la tu'ad wa la tuhsa wa min ajalliha أو أجلها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ليخرجهم من الظلمات إلى النور. Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs sont nombreux. Allah nous dit même indénombrables: وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez le faire. Les bienfaits d'Allah sont indénombrables. Et le meilleur bienfait, c'est l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin de faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière, des ténèbres de l'ignorance vers la lumière de la science, des ténèbres du polythéisme, du shirk, vers la lumière du tawhid, des ténèbres de la mécréance vers la lumière de l'islam. Tout cela est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Et celui qui médite et qui regarde l'état des créatures et des gens avant l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se rendra compte du grand bienfait dans lequel il vit de nos jours et depuis l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu nous dit qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, kana an-nasu fi jahiliyatin wa shar faja'ana Allah bi hadha al-khayr fa hal ba'da hadha al-khayr min shar. Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu nous cite l'état du paganisme, l'état anti-islamique. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, les gens, c'est-à-dire avant l'islam, étaient dans la période du paganisme et dans le mal. Et Allah nous est venu avec ce bien. Il a fait revenir le bienfait à Allah subhanahu wa ta'ala, car tous les bienfaits viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les plus grands bienfaits, comme on vient de citer, l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un deuxième texte nous montre l'état avant la période islamique, le athar, le hadith de Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu, lorsqu'il est parti voir An-Najashi, et lorsque An-Najashi l'a questionné sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur leur état. Alors Ja'far radiallahu anhu lui a cité l'état du paganisme, l'état de la période anti-islamique. Comment est-ce qu'ils ont vécu? Ils vivaient dans le polythéisme, ils adoraient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils mangeaient des bêtements, le plus fort mangeait le plus faible, il y avait de l'injustice, la femme elle n'avait pas de place, la fille était enterrée vivante, et j'en passe. Donc ça c'était l'état des gens avant l'islam. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu mettre fin à cette injustice. Et la plus grande injustice, c'est le fait d'adorer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a envoyé avec la meilleure, avec le meilleur miracle qu'ait eu un prophète ou un messager. Il l'a envoyé avec le Coran. Et le Coran, comme nous avons cité, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا السند du Coran. Allah nous dit, et c'est la révélation du Seigneur des mondes. L'ange digne de confiance est descendu avec, c'est-à-dire Jibril alayhi salam. Il l'a entendu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis est descendu et l'a transmis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Afin que tu fasses partie des nombres des avertisseurs. Afin que tu fasses partie du nombre des avertisseurs. Dans une langue arabe claire. Ce Coran, c'est un miracle. Et il a pour particularité d'entre l'ensemble des miracles. Le miracle de Moussa par exemple, c'était quoi? Endakar. C'était quoi le miracle de Moussa? Chaque prophète vient avec un miracle pour montrer la véracité de son message. Et que c'est véritablement le message d'Allah. C'était quoi le miracle de Moussa? Kif? Donc avec quelque chose de supérieur, la magie supérieure à la sorcellerie. Taïb, quelle fut cette chose? Ant. Le serpent. Kif, savant. Ant. Il reste que 3 personnes, attention. C'est quoi la mu'jiza de Moussa alayhi salam? Comment? Le bâton. Taïb. Le bâton. Tamam, c'est quoi le miracle de Isa alayhi salam? Anta. Taïb. Il y a toujours un miracle à la base qui, quand il vient, ça montre la véracité de son message. Mais Isa est venu à une époque, hein, à une époque où les gens étaient forts dans quoi? Dans la médecine. Donc lui, il avait, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la capacité de faire quoi? Une chose que même la médecine ne peut pas faire. De guérir. Il guérit celui qui avait la lèpre. Il ressuscitait le mort. Bi-idhnillah, avec la permission d'Allah. Et j'en passe. Le miracle de un tel, le miracle de un tel. Taïf, c'est quoi le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La mu'jiza. Des miracles, il y en a plein. C'est le Coran. D'accord. Est-ce que le bâton de Moussa alayhi salam est encore présent et on voit ses effets ou pas? Le miracle de Isa alayhi salam, de Hud, de Nuh alayhi salam, non? Mais le Coran, il est où? Il est dans les mains, entre nos mains. Il est dans les cœurs de ceux qui l'ont mémorisé. Donc le Coran a pour particularité d'entre l'ensemble des mu'jizas de rester. Il a courbe qiyam sa'a jusqu'à proche de la fin des temps. Et ça en soi, c'est un miracle, à part le fait que le Coran reste et il est infalsifiable. Donc le Coran, c'est un miracle. Et un miracle en plus, c'est le fait qu'il soit resté et qu'il est infalsifiable, malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit décédé il y a plusieurs siècles. Ce Coran a de nombreux attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran. Parmi ceux-là, le fait que ce soit la meilleure exhortation. L'exhortation, c'est quoi une mu'ida? Ce sont des paroles qui touchent les cœurs. Ce sont des paroles qui touchent les cœurs. Et qui souvent font couler les larmes. Mais lorsque les cœurs sont durs, hein, les larmes ne vont pas couler forcément. Et c'est pas parce que les larmes coulent que les cœurs sont propres. Wallahu musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Allah nous dit dans le Coran, certes ce livre, ce Coran guide vers ce qu'il y a de meilleur. Il annonce la bonne nouvelle aux croyants, ceux qui font les bonnes actions. qu'ils auront une récompense immense. Donc, parmi les particularités du Coran et ses attributs, c'est une guidée. Allah nous dit dans un autre verset, Wahuda, c'est une guidée. Ce Coran guide vers quoi? Allah nous dit, Lillati hiya aqwam, vers ce qu'il y a de meilleur. Vers ce qu'il y a de meilleur dans quoi? Dans tout. Dans la aqida, tu veux une bonne croyance? Alayka bihad al-Quran. Tu veux avoir une croyance pure, saine? Faut que tu lises ce Coran. Faut que tu étudies ce Coran. Tu veux être le meilleur dans le comportement? Alayka bihad al-Quran. Tu veux être le meilleur dans l'adoration? Alayka bihad al-Quran. Tu veux être le meilleur dans tes mu'amalat? Alayka bihad al-Quran. Lorsqu'on a questionné Aïcha radiallahu anha sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sans aucun doute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui avait le meilleur comportement. Pourquoi? Aïcha a dit kana khuluquhu hadha al-Qur'an. Son comportement, c'était le Qur'an. Elle est celui qui prend le Qur'an, qui le médite, le comprend, le lit, le met en pratique, il aura les meilleurs caractères. Allah nous dit en Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu es certes doué d'une moralité imminente. Tu as certes les meilleurs caractères, les meilleurs comportements. Pourquoi cela? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Qur'an, méditait le Qur'an, appliquait le Qur'an, ce qui a régi sa vie était le Qur'an. Allah nous dit dans un verset, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. Allah dit en Coran, vous est venu de la part d'Allah une lumière et un livre explicite. Par celui-ci, Allah guide vers les meilleurs chemins. Celui qui suit ce livre-là, Allah subhanahu wa ta'ala le guide vers son agrément et vers les chemins du salut. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa permission et il les guide sur le chemin droit. Donc ce Coran, c'est la meilleure chose qu'un peuple ait eue. Lorsque les gens se vantent de par leur langue, lorsque les gens se vantent de par leurs ancêtres, lorsque les gens se vantent de par leur richesse, nous on se vante de par ce Coran. Personne ne pourra amener un Coran semblable. Lorsque les polythéistes arabes ont démenti la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils l'ont démenti quant au fait que ce soit le messager d'Allah, quand ils l'ont démenti quant au fait que ce livre-là soit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah leur a lancé un défi. وَهُمْ فُصَحَا بُلَغَاءُ الْعَرَبِ وَفُصَحَاؤُهُمْ وَأَعْلَمُ النَّاسِ بِاللُّغَاتِ. Les Arabes avaient eux comme particularité d'avoir excellé dans la prose, dans la poésie, dans l'élan. Leur langue est la plus riche. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a défiés en leur disant, si ce livre-là n'est pas la parole d'Allah, ramenez un livre semblable. Ramenez un livre semblable si vous êtes véridique. Ils n'ont pas réussi. Alors on leur a dit de ramener 10 sourates. Ils n'ont pas réussi. Alors on leur a dit de ramener une sourate, une courte sourate. Ils n'ont pas réussi. Pourtant, quand toi, tu démens une chose, hein, et qu'on te lance un défi, tu es dans le plus grand besoin de ramener tes preuves. Alors ils n'ont pas réussi. Enfin, pourquoi ils n'ont pas réussi à ramener un livre semblable? Pourquoi ils n'ont pas réussi à ramener 10 sourates semblables? Pourquoi ils n'ont pas réussi à ramener une courte sourate comme Inna a'tayna al-kawthar? Pourquoi? Parce que ce n'est pas la parole d'une créature. Ce n'est pas la parole d'un homme. On leur a dit, aidez-vous de qui vous voulez. L'ensemble des hommes, l'ensemble des djinns. Et ramenez une courte sourate. Ils n'ont pas réussi. Pourquoi cela, les frères? Parce que ce n'est pas la parole d'un homme. ليس هذا القرآن من كلام البشر بل هو كلام رب البشر رب العالمين parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et c'est le plus grand bienfait avec l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par cette cause tu connais l'islam, et l'islam c'est la plus grande ni'ma par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala comble ce son inviteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah donne la dunya, les choses de ce bas monde, à ceux qu'il aime et ceux qu'il n'aime pas. Mais il donne la foi qu'à ceux qu'il aime. Mais il donne la foi, il donne le din, l'islam ou l'iman qu'à ceux qu'il aime. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Allah dit dans le Coran, dit, par la grâce d'Allah et sa miséricorde qu'ils se réjouissent. De la grâce d'Allah et de sa miséricorde qu'ils se réjouissent. C'est bien mieux que tout ce qu'ils peuvent amasser. C'est bien mieux que tout ce qu'ils peuvent réunir, c'est-à-dire min hutamid dunya, al faniya, al za'ila. C'est-à-dire comme bienfait terrestre, comme chose de ce bas monde, comme chose de la dunya. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans le Coran de nous réjouir du Coran. Parce que fadlullah wa rahmatuh, dans le tafsir nous est venu que c'est le Coran et l'islam. De cela nous devons nous réjouir. Pas des richesses terrestres. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de détourner son regard des richesses que les gens ont amassées dans ce bas monde-là. Par contre, du Coran, on nous dit « فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا » de cela qu'ils se réjouissent. C'est de cela qu'on doit être content. Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, un jour était avec un jeune homme, « غُلَامٌ لَهُ وَمَرَّ بِإِبِلِ صَدَقَةً » Il est passé par les bêtes destinées à l'aumône. Et au temps d'Omar ibn al-Khattab, vous savez tous que les musulmans ont acquis d'énormes richesses. Ce jeune homme, lorsqu'il a vu la quantité des chameaux, la quantité des richesses, il a dit « هَذَا فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ » Voici le bienfait d'Allah et sa miséricorde sur nous. Il parlait de quoi? Des bêtes et des richesses. Savez-vous ce que Omar radiallahu anhu lui a répondu? Omar radiallahu anhu, celui qui a reçu l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a répondu « كذبت هذا الذي تصفه هو القرآن » Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu lui a dit « tu t'es trompé, tu n'as pas dit vrai. Ce que tu décris comme cela, comme étant le bienfait d'Allah et sa miséricorde, c'est le Coran, c'est pas ça. » Ensuite il a récité ce verset « قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ » Donc les sahaba avaient présent dans leur cœur, avaient présent à leur esprit que le bienfait d'Allah et sa miséricorde c'est l'islam et le Coran. C'est pas les bienfaits, les richesses mondaines ou bien les richesses plutôt terrestres qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne, car la richesse n'est pas un facteur ni une balance par laquelle tu vas pouvoir reconnaître celui qui est proche d'Allah de celui qui est loin d'Allah, celui qu'Allah a aimé de celui qu'il a détesté. Mais avec le Coran et avec l'islam, tu vas pouvoir voir celui qui est proche d'Allah de celui, et reconnaître celui qui est proche d'Allah de celui qui est loin d'Allah. Et ce livre là a d'énormes mérites. En le lisant, tu vas prendre d'énormes récompenses, de nombreuses récompenses, sans te fatiguer grandement. Fi hadith Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qala qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man qara harfan min kitabillah falahu hasana wal hasanatu bi ashri amthaliha. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui lit une lettre du Coran aura une récompense. Et chaque récompense lui sera multipliée par 10. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre. Lam est une lettre et Mim est une lettre. Donc si tu lis juste le mot Alhamdulillah, tu lis dans le Coran Alhamdulillah, combien est-ce que tu as de récompense? Tu comptes chaque lettre, pour chaque lettre tu as une récompense. Et par sa générosité et sa grâce, Allah subhanahu wa ta'ala, tu multiplies cela par 10. Il nous est venu dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui a l'intention de faire une bonne action, Allah lui écrit une récompense. S'il la met en pratique, Allah lui la multiplie par 10 jusqu'à 700 fois. Il a adhaaf. Il a adhaaf, ça veut dire jusqu'à ce qu'on te décuple cela. Subhanallah, tu lis une lettre du Coran, tu as une récompense. Chaque lettre, on te la multiplie par 10. Combien de hasanat tu peux prendre par heure, par minute, par jour? Subhanallah. Et nous sommes là dans le mois de Ramadan, dans le mois où le Coran a été révélé pour la première fois, dans le mois le plus béni de l'année, dans le meilleur des mois, dans le mois où Allah subhanahu wa ta'ala chaque nuit sauve des gens de l'enfer, dans ce mois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam été plus généreux que durant les autres mois. تلاوة القرآن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ولغيره من المسلمين. La lecture du Coran, c'est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté. Abu Dhar radiallahu anhu est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ya Rasulallah, awsini, qala alayka bi taqwallah, fa innahu la mithlalah. Abu Dhar est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ô messager d'Allah, fais-moi des recommandations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Sois un homme pieux, sois un homme qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la crainte d'Allah n'a pas de semblable. La meilleure chose que tu puisses avoir, c'est la piété. Que signifie la piété? La piété, c'est le fait de mettre un rempart entre toi et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela ne peut se réaliser si ce n'est avec deux choses. La première chose, délaisser ce qu'Allah t'a interdit, ce que les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'a interdit. Et la deuxième chose, faire ce qu'il t'a ordonné, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Alayka bi tilawati al-Qur'an fa innahu nurun laka fi dunya wa dhukrun laka fi sama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite lui a dit, après qu'Abu Dhar lui dit: Zidni ya Rasulallah, oh, ajoute-moi des recommandations. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: récite régulièrement le Qur'an, car cela sera une lumière pour toi dans ce bas monde et un trésor pour toi dans les cieux. Une chose qu'on garde pour toi en tant que récompense. Salah ibn Hibban wa huwa hadithun hasan li ghayrihi. Tilawatul Qur'an tatrudu ash-shayatin. Combien sont les gens qui sont faibles? Combien sont les gens qui sont malades et se plaignent d'être attaqués par les démons et par les diables et j'en passe? Et lorsqu'ils ont un problème, ils appellent. Qui fait ruqya? Est-ce que vous pouvez me trouver une personne qui fait ruqya? Ils se détournent de la meilleure guérison. Ils se détournent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se détournent du Qur'an. Si tu as le Qur'an avec toi, tu n'as besoin de personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Qur'an, c'est une cause de guérison. Shifa'un lima fi sudur. C'est une guérison pour ce qu'il y a dans les cœurs. C'est une guérison pour les corps. C'est une guérison pour l'âme. C'est une guérison contre tous les maux. C'est une guérison contre tous les maux en dehors de la mort. Celui qui est malade, celui qui a des douleurs, qu'il prenne ce Coran pour se soigner, avant même de se diriger vers les autres causes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque nuit, lorsqu'il prenait sa couche, lorsqu'il allait pour dormir, il faisait ses ablutions comme on fait nos ablutions pour faire la salade. Ensuite, il mettait ses mains comme de la sorte, et il poussait trois fois dans ses mains. Et ensuite il récitait: Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Et ensuite il passait en commençant par le haut de son corps. Puis il allait jusqu'à ses jambes en touchant ce qu'il pouvait toucher de son corps. Et il refaisait cela trois fois. Et cela est une protection. Et un des compagnons en voyage, il y avait un groupe de compagnons en voyage. Ils sont arrivés dans un village et ont demandé l'hospitalité. Et cela leur a été refusé. Plus tard, le chef de ce village a reçu une piqûre d'insecte, comme une chose comme un scorpion ou une chose de la sorte. Alors ils sont venus trouver les compagnons et leur ont dit que leur responsable a été piqué par un scorpion ou une bête de la sorte. Et ils n'ont pas de remède. Est-ce que ces gens-là ont un remède? Alors les sahaba n'ont pas répondu. L'un d'entre eux, si je ne me trompe pas, c'est Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, a dit: nous avons un remède, mais nous vous avons demandé l'hospitalité et vous nous l'avez refusé. Et je ne vous donnerai pas ce remède sans telle et telle chose parmi les bêtes. Donc il leur a demandé de leur donner des bêtes afin de pouvoir se nourrir, et en échange il leur donnera ce remède. Savez-vous quel était ce remède? Il est venu et lui a resté surat al-Fatiha. Il lui a fait ruqya avec suratul Fatiha. Cet homme-là s'est relevé comme si jamais il avait été malade. Et ce qui est apparent, c'est que c'était des kuffars. Subhanallah. Il lui a resté suratul Fatiha. Et il s'est relevé comme s'il avait jamais été malade. Que dire alors de son effet sur un croyant, sur quelqu'un qui se prosterne à 5 heures de la journée, sur quelqu'un qui a foi en ce livre, qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère et qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également de lire sourate Al-Baqarah et Ali Imran, que ces deux sourates-là vont venir intercéder Yom Al-Qiyamah pour toi. Et elles ont comme effet dans ce bas monde-là, particulièrement sourate Al-Baqarah, de virer les shayatines de la maison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les shayatines n'arrivent pas. Yani la tasti'u al-batala. Certains savants ont dit qu'ils n'arrivent pas à la mémoriser, qu'ils n'arrivent pas à rester dans l'endroit où elle y est récitée, et d'autres explications sont venues. Ce Coran a des effets tellement immenses et intenses qu'il affecte même ce qu'on appelle el-jamadat, les choses inertes, comme les montagnes, comme la terre, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran et nous dit, s'il y avait eu un Coran qui aurait pu faire bouger les montagnes, fendre la terre et parler aux morts, ça aurait été ce Coran. Subhanallah. Allah nous dit également, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Subhanallah. Si on avait révélé ce Coran, si on avait fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu se fendre par humiliation devant la parole d'Allah. Subhanallah. Une montagne immense. Si on avait révélé le Coran dessus, quel aurait été l'effet de cela? La ra'aytahu khashi'an mutasaddi'a min khashyatillah. Subhanallah. Si on avait révélé le Coran sur une montagne, hein, et t'as Mecca, les montagnes nous entourent. Ben dis-toi que si on avait révélé le Coran sur une montagne de la sorte, tu l'aurais vu se fendre et s'humilier de crainte, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment se fait-il que toi tu entends le Coran et ton cœur n'est pas plus dur qu'une montagne et tu ne tombes pas devant le rappel d'Allah, et tes larmes ne coulent pas devant le rappel d'Allah, et ton cœur ne s'adoucit pas devant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et le problème ne vient pas du Coran, le problème vient des cœurs qui sont dans les poitrines. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Le Coran est tellement éloquent qu'il affecte même les arbres. On a un exemple avec la montagne, voici un exemple avec un tronc d'arbre. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait al-khutbah ou lorsqu'il donnait une kalima, il s'appuyait sur un tronc d'arbre. Ensuite, il y a une femme chez les Ansar qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle voulait lui faire un minbar. Elle a ordonné qu'on lui fasse un minbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc délaissé le tronc d'arbre et s'est appuyé sur le minbar. D'accord? Il s'est levé et a fait un discours. Et on a entendu des pleurs du tronc d'arbre. Subhanallah. Elle dit, ta'innu ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lima kana yasma'u min dhikrillah. Pourquoi cela? Parce que le rappel d'Allah lui manquait. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était éloigné de lui. Et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il citait ce hadith, il disait, subhanallah, elle dit, ya innu ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa antum ya ma'ashar al-mu'minin, antum ahaqqu bidhalik. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il racontait ce hadith, disait, subhanallah, un tronc d'arbre qui pleure pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour le rappel d'Allah, ô vous les musulmans, vous êtes plus à même de pleurer pour cela. Un tronc d'arbre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui manquait. Pourquoi? Parce qu'il entendait le rappel d'Allah, parce qu'il entendait le Coran. Donc même les arbres, subhanallah, sont affectés par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un autre exemple avec les djinns. Allah subhanahu wa ta'ala en sourate al-jinn et dans sourate al-ahqaf nous parle d'un groupe de djinns, d'un groupe de djinns qui ont entendu le Coran. Ils ont entendu le Coran, ils se sont donc dit mutuellement, ainsi tout, taisez-vous, écoutez. Et ils ont écouté l'arrestation du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une prière. Savez-vous ce que cela leur a fait? Ils ont délaissé le shirk. Ils ont délaissé la mécréance. Ils se sont convertis à l'islam. Ils ne se sont pas contentés de cela. Ils sont revenus à leur peuple et les ont appelés à l'islam. Ils leur ont dit qu'ils ont entendu une récitation merveilleuse. Ils ont entendu le Coran. Voici l'effet sur les djinns. Après avoir cité les faits sur l'arbre, après avoir cité les faits sur les montagnes, on cite ici les faits sur les djinns. Et nous, nous sommes des humains. Quel effet doit avoir le Coran sur nous? Jubayr ibn Mut'im, radiallahu anhu, est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La cause de sa conversion, comme la cause de la conversion de beaucoup, est la récitation du Coran. À Médine, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter surat al-Tur, surat le mont, à la prière du Maghrib. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé plus loin dans la surat, il a récité le passage où Allah nous dit « Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun » Ont-ils été créés à partir de rien? Ou sont-ils eux-mêmes leurs propres créateurs? Jubayr ibn Mut'im radiallahu anhu, lorsqu'il a médité ce verset, est-ce que j'ai été créé à partir de rien? Toi, tu sais très bien que tu n'étais pas créé tout seul. Tu sais aussi que tu n'as pas été créé à partir du néant. Il a médité. Donc c'est qui l'a créé? C'est Allah. Si Allah est le seul créateur, c'est le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Alors il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah » Je reconnais que nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée et je reconnais que tu es le message d'Allah et il est entré dans l'islam après avoir entendu quelques versets de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit une parole qui est immense, une parole qui a été écrite, une parole qui a été mémorisée, une parole qu'on se rappelle encore aujourd'hui après des siècles, tellement elle est éloquente et elle est magnifique. Il a dit « Kada qalbi ayyatir » Mon cœur a failli s'envoler lorsque j'ai entendu cette parole. Lorsqu'il a entendu le Coran, alors que c'était encore un mécréant, alors que c'était encore un associateur, il a entendu certains versets du Coran et il a dit « Kada qalbi ayyatir » Il s'en est fallu de peu pour mon cœur, pour que mon cœur s'envole, pour que mon cœur vole. Et un des savants a dit « Et comment cela pourrait-il être autrement alors que c'est la parole du Seigneur des mondes ?» Alors que c'est la parole du Seigneur des mondes, du Créateur des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre exemple avec Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Tous ces textes sont les sites pour voir l'effet du Coran sur les cœurs. Et à la fin, on va comparer nos cœurs à nous avec ces cœurs-là. Subhanallah. Omar ibn al-Khattab, un jour, est sorti de chez lui et avait pour intention d'aller assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, bien sûr, avant son islam. En chemin, il a rencontré un homme qui lui a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam en bien. Alors cela l'a encore plus énervé. Puis cet homme lui a dit, si tu t'étonnes de cela, il y a plus étonnant que cela. Ta sœur s'est convertie à l'islam. Alors Omar ibn Khattab est parti chez sa sœur. Arrivé devant la porte, il a entendu des murmures. Lorsqu'ils lui ont ouvert, il a dit quels étaient ces murmures. Ils ont dit rien, on discute. Puis il s'est rendu compte qu'ils avaient des feuilles du Coran. Il leur a demandé ces feuillets-là. Sa sœur a refusé. Elle lui a dit, tu es impur. Pourquoi tu es impur? Parce que tu es un associateur. Alors je ne peux pas te donner ce Coran, ces feuillets du Coran. Alors Omar radiallahu anhu s'est énervé. Le mari de sa sœur s'est levé et Omar a levé sa main. Sa sœur s'est interposée et elle a reçu le coup. Omar radiallahu anhu a regretté. Lorsqu'il est sorti, il s'est dirigé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers sa maison. En arrivant, les compagnons, lorsqu'ils ont su que c'était Omar, certains parmi eux ont eu peur de sa menace. Car Omar radiallahu anhu, kana rajulan muhaba, c'était une personne dont on avait peur, car elle était très forte. Il était déterminé dans toutes ses affaires. Alors il y avait également Hamza, qui lui aussi était très fort parmi les hommes. Hamza radiallahu anhu a dit, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laissez-le entrer. S'il vient en paix, il trouvera cela. Et s'il vient pour autre chose, on se débarrassera de lui très facilement. Lorsque Omar radiallahu anhu est rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu la révélation de surat Taha. Alors il lui a récité cela en disant Bismillahirrahmanirrahim, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Et il lui a récité encore de la sourate. Taha, nous n'avons pas révélé le Coran pour que tu sois triste, pour que tu sois malheureux. Ça n'est que la révélation de celui qui a créé les cieux qui sont élevés. La révélation de celui qui a créé la terre et les cieux, qui sont élevés jusqu'à la fin des versets. Alors Omar radiallahu anhu a été touché de ce rappel. Et la foi est rentrée dans son cœur. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a attrapé, l'a secoué de la sorte. Et lui a dit, oh Omar, oh fils de Khattab, le temps n'est-il pas venu que tu rentres dans l'islam? Pour que tu rentres dans l'islam. Alors Omar radiallahu anhu s'est converti à l'islam. Regardez l'effet du Coran sur les gens avant même qu'ils soient musulmans. Et une autre histoire, Kufar Quraysh a envoyé Utbah ibn Rabi'a, quelqu'un qui était très éloquent, quelqu'un qui était un noble, qui était noble parmi son peuple. Ils l'ont envoyé pour parler avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il délaisse son message. Pour qu'il arrête de parler avec le Coran, car ils ont vu l'effet du Coran. Cet homme-là est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a discuté. Et a discuté avec lui, il lui a demandé de délaisser son message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu avec autre chose si ce n'est Sadran min surati fussilat. Il lui a répondu avec fussilat, la sourate fussilat, les versets détaillés. Et a commencé en lui récitant Bismillahirrahmanirrahim, Hamim tanzilu minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatu qur'anin arabiyyan liqaumin ya'lamun, bashiran wa nadhiran fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un, faqalu ila akhir al-ayat. Lorsqu'il a entendu cela, il est resté ébahi par ce rappel, pétrifié. Il n'a pas réussi à répondre. Il a dit, Wallahi, j'ai entendu la parole des sorciers. J'ai entendu la parole des devins. J'ai entendu la parole de tel et tel, d'un tel et d'un tel et d'un tel. Et Wallahi, c'est pas de la prose. C'est pas de la poésie. C'est pas de la sorcellerie. Je ne sais pas si c'est le message d'Allah, mais j'ai jamais entendu de paroles semblables. Il est rentré chez lui et il a raconté cela à Kufar Quraysh. Il n'a pas réussi à répondre. Pourquoi? Parce que c'est pas la parole des créatures, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce Coran, celui qui le met en pratique, aimera Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de tout. Et Allah nous appelle dans le Coran à méditer dans ce Coran. Et nous dit, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne vont-ils pas méditer ce livre, le Coran? Ou bien ont-ils des cadenas sur leur cœur? Donc Allah nous appelle à méditer ce Coran. Celui qui médite, ne serait-ce que la première sourate du Coran, sourate al-Fatiha, va tirer trois choses des plus importantes, qu'on appelle les piliers de l'adoration. Mahabbatullah, al-khawfu min Allah, wal-raja, l'amour, la crainte et l'espoir. Quand tu lis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu te rends compte qu'Allah c'est le Seigneur des mondes. C'est donc celui qui t'a créé, celui qui t'a donné sa subsistance, celui qui te guide, celui qui te soigne lorsque tu es malade, celui qui t'a donné tout ce que tu possèdes, celui qui te fait du bien, qui te donne sans cesse. Donc cela forcément va faire en sorte que tu vas l'aimer. Ensuite, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah c'est le Seigneur des mondes. Et sa seigneurie est basée sur quoi? Sur la miséricorde. Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc tu vas espérer en lui. Ensuite, Malik Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Tu vas savoir que tu reviens vers Allah. Tu vas savoir que tu seras jugé par Allah. Alors tu vas avoir peur. Donc en lisant ce Coran, tu vas tirer comme effet l'amour d'Allah. Tu vas aimer Allah au-dessus de tout. Tu vas tirer comme effet l'espoir. Tu vas espérer en Allah le pardon pour tes péchés. Tu vas espérer sa miséricorde. Tu vas espérer son paradis, sa grâce. Tu vas espérer aussi, ou bien tu vas aussi avoir peur d'Allah. Parce que tu sais que tu vas mourir demain. Et tu vas revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu vas préparer ce jour. Tu vas délaisser la désobéissance d'Allah. Tu vas faire des efforts dans l'adoration, car tu sais que tu vas revenir vers lui et qu'il va te juger. Celui qui lit le Coran va voir les noms, les attributs d'Allah. Va voir la perfection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il va donc l'aimer au-dessus de tout. Il ne va avoir peur de personne si ce n'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez les sorciers de Pharaon. Lorsqu'ils étaient mécréants, ils avaient peur de Pharaon. Ils voulaient ce bas monde-là. Ils adoraient Pharaon en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez lorsqu'ils ont cru au Seigneur de Moussa. Qalu amanna bi rabbil alamin. Allah dit dans surat Taha, fa ulqiya as-saharatu sujjada. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Harun wa Rabbi Moussa wa Harun. Celui qui lit le Coran et celui qui médite le Coran aura comme effet at-tawakkul 'ala Allah rabbil alamin. Il va placer sa confiance en Allah. Il n'aura peur de personne en dehors d'Allah. Les associateurs les sorciers de Pharaon, avant l'islam, avaient peur d'autres qu'Allah, avaient peur de Pharaon. Alors une seconde lorsqu'ils se sont convertis à l'islam, ils ont eu peur de plus personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui lit le Coran et qui le met en pratique aura peur de personne en dehors d'Allah. Après avoir été faible, il deviendra la personne la plus forte et craindra le plus proche de personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui lit le Coran pourra gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait un homme parmi les compagnons en voyage. Lorsqu'il faisait l'imam, il finissait toujours par qulhu Allahu ahad. Et les compagnons n'avaient pas l'habitude de voir le prophète sallam faire cela. Alors ils lui ont dit, pourquoi est-ce que tu fais cela? Il leur a répondu, si vous voulez que je sois votre imam, laissez-moi faire cela, sinon j'arrête de faire l'imam. Lorsqu'ils sont revenus de voyage, certains sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit, Ya Rasulallah, cet homme en voyage ne cessait de réciter suratul ikhlas. À chaque salat, il finissait par suratul ikhlas. Kulhu Allahu ahad, Allahu samad. Cette surat qui à nos yeux pourrait être, yani ne pourrait ne pas avoir une grande importance parce qu'elle est courte. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, elle équivaut à un tiers du Coran. Pourquoi est-ce qu'elle équivaut à un tiers du Coran? Car Kulhu Allahu ahad parle que d'Allah subhanahu wa ta'ala de sa description. Et celui qui médite sur le Coran, comme a dit Ibn al-Qayyim et Ibn Taymiyyah, se rendra compte que le Coran parle de trois sujets à la base. Le premier sujet, c'est Allah, sa description, ses noms, ses attributs. Le deuxième sujet, c'est l'ordre d'adorer Allah dans un culte sincère, ses ordres et ses interdits. Et le troisième sujet, c'est le jaza ou al-ba'ath, c'est la résurrection, le paradis et l'enfer. Et dans cette sourate, on parle que d'une base. Quelle est cette base? C'est la description d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, allez lui demander, pourquoi est-ce qu'il fait cela? Demandez-lui pourquoi est-ce qu'il finit toujours avec Qul huwallahu ahad. Alors le sahabi a répondu, moi je finis avec Qul huwallahu ahad li annaha sifatur rahman. Parce que dans cette sourate, il y a la description du tout miséricordieux. Wa ana uhibbuha. Et je l'aime, j'aime Allah, j'aime la description d'Allah subhanahu. Alors le prophète sallam, lorsqu'on lui a rapporté cette parole, il a dit, akhbiru أن الله قد أحبه. Informez-lui, informez-le qu'Allah l'a aimé pour son amour pour cette sourate. Subhanallah. Donc le fait de lire le Coran, c'est une cause pour qu'Allah t'aime. Et wallah, c'est pas étonnant que toi tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah t'a comblé de tous ses bienfaits. Car Allah t'a créé à partir de rien et t'a donné tes membres. Il t'a entouré de personnes de ta famille. Il t'a guidé sur l'islam. Il te guide chaque jour, te donne ta subsistance chaque jour, te pardonne tout pour tes péchés. Il t'a nourri, il t'a vêti, et j'en passe. Donc c'est pas étonnant que tu sois attaché à ton Créateur, que tu l'aimes. Mais la chose étonnante, c'est qu'Allah le puissant, le Seigneur des mondes, t'aime toi, la créature faible, la créature qui fait des péchés, de jour comme de nuit. Et Allah subhanahu wa ta'ala te donne ton amour parce que tu as aimé le Coran. Et Cheikh Abdullah Azak al-Abbad nous dit qu'il y a dans ce hadith-là une preuve et une bonne nouvelle à ceux qui étudient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah va les aimer. Qu'Allah va les aimer. Donc on tire parmi les plus grands bienfaits de la lecture du Coran le fait d'avoir l'amour d'Allah. Et on va finir avec un hadith. C'est un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en voyage avec certains de ses compagnons. Il a dit, qu'est-ce qui va monter la garde cette nuit? Alors un homme parmi les Ansar a dit moi, et un homme parmi les Muhajiri a dit moi. Ils se sont éloignés et se sont mis dans un endroit stratégique, de sorte à ce que personne ne puisse passer et atteindre les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est en passant par cet endroit. Le Ansari a dit à son compagnon le Muhajiri, dors la première partie de la nuit et moi je monterai la garde. Et toi tu dors, et ensuite moi tu me réveilles et toi tu monteras la garde la deuxième partie de la nuit. Cet homme-là qui a monté la garde la première partie de la nuit a prié et a adoré Allah tabaraka wa ta'ala durant une partie de la nuit. Et il y avait un homme parmi les associateurs qui dans la bataille, on lui avait pris son épouse. Elle avait donc été fait captive des musulmans. Il avait promis de se venger et de tuer des hommes parmi les musulmans. Il a donc suivi les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est arrivé. Il a trouvé cet homme-là en prière, en plein milieu de la nuit. Il a sorti une flèche de son carquois et a visé ce musulman-là avec sa flèche. Il l'a touché à l'épaule. Et le musulman a commencé à saigner. Alors qu'il était en train de prier, alors qu'il était en train de réciter le Coran. Imagine-toi cette scène-là. Qu'est-ce que tu aurais fait toi? Cet homme-là a continué sa prière. Cet homme-là a continué à réciter le Coran, subhanallah. Ensuite, il a reçu une deuxième flèche. Et il a poursuivi sa lecture. Il a continué à lire le Coran. Puis il a reçu une troisième flèche. Et là, il a eu une hémorragie. Et il s'est écroulé par terre. Et à ce moment-là seulement, il a réveillé son compagnon. Lorsque son compagnon l'a vu, il lui a dit, subhanallah, tu es dans cet état-là, mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas réveillé avant? C'est-à-dire, pourquoi tu ne m'as pas réveillé à la première flèche que tu as reçue afin qu'on se prépare pour nous défendre? Il lui a répondu une parole, wallahi, seul un cœur rempli de l'amour du Coran peut sortir ces mots-là. Il a dit, je n'ai pas voulu arrêter ma récitation. Je n'ai pas voulu arrêter la récitation du Coran, de la parole d'Allah, subhanallah. Qui est-ce qui a ce iman là? Qui est-ce qui a goûté le goût de la lecture du Coran pour pouvoir réciter ces paroles là? Un coup de fil et tu poses le Coran. Une personne que tu aimes et tu poses le Coran. Cet homme là, sa vie qui est en train de partir, n'a pas fait en sorte qu'il a posé le Coran. Comment se fait-il que nous, pour un oui ou pour un non, on arrête la lecture du Coran? Ça c'est pour les meilleurs d'entre nous. Et pour les autres, ils n'ouvrent même pas le Coran si c'est pendant le mois de Ramadan. Et pour les autres, ils trouvent dur et lourd la lecture du Coran. La lecture du Coran, tu as tout à gagner. Tu as les hasanat, tu as le pardon pour tes péchés. Allah par la lecture du Coran adoucit ton cœur. Allah par la lecture du Coran te guidera vers les meilleurs sentiers comme nous avons cité. Et nombreux sont les bienfaits du Coran. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا إلى كل خير ويغفر لنا ذنوبنا ويتقبل منا صيامنا ويتقبل منا صيامنا وقيامنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et demain inshallah il y aura un cours du frère Ali وفقه الله à 17h إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين صلى الله عليكم T'as des récompenses. T'as des récompenses, mais t'as pas la récompense qui est citée dans le hadith. La récompense qui est citée dans le hadith, c'est pour ceux qui lisent le Coran. Et le Coran en français, ça n'est pas le Coran. C'est une traduction approximative, rapprochée du Coran. D'accord? Mais t'as des récompenses, bien sûr. Parce que tu fais un bien. Et parce que tu vas être affecté par le Coran. Et parce que ton iman va augmenter. Il faut apprendre à lire le Coran, inshallah. Voyez. Ok, inshallah. Thank you.